إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aujourd'hui, inshallah, barakallahu fikum, on va faire donc l'explication du hadith qui fait partie de Jawami' al-Kalim du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur Ittaqillahi haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Ça veut dire quoi, Jawami' al-Kalim du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il, la différence qu'il y a entre lui et les prophètes et messagers qui l'ont précédé, c'est que les messagers qui l'ont précédé, les envoyés d'Allah, alayhi salatu wa salam, qui les ont précédés, ont été envoyés à leur peuple. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et moi j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et j'ai également été donné, Allah azza wa jalla lui a donné, Jawami' al-Kalim. Ça veut dire qu'il peut dire peu de choses, ou est-ce que des volumes et des volumes pour expliquer. Subhanallah. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Hajj wa Arafa. Le Hajj, c'est Arafa. Si tu rates la station de Arafat, tu as raté le Hajj. Il y a des explications, bien sûr. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qu'on verra l'explication, inshallah. Il y a une énorme explication, Ad-dinun nasiha, que des frères traduisent par la religion, c'est le conseil. Mais en fait, le sens de nasiha, c'est la sincérité. D'accord? Parce que lorsque tu continues le hadith, l'iman, lillah. D'accord? Même tu conseilles par Allah. Non, tu es sincère envers Allah. Sincère envers le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sincère envers les musulmans. Parce qu'en fait, si tu viens pour conseiller un frère, tu dois le faire sincère pour Allah. Tu ne lui veux que le bien. Tu souhaites que Allah Azza wa Jal l'élève en degré et ait miséricorde sur lui et lui guide et le guide sur la bonne voie et le raffermit. D'accord? Donc c'est la sincérité. Donc, vous voyez, c'est ça, Jawami' al-Kalim, c'est le fait que, en peu de mots, il peut dire des choses parce que nous, aujourd'hui, il nous faut beaucoup d'explications. Donc, le hadith a été rapporté selon Mu'ad et Abi Dharr radiallahu anhuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ettaqillahi haythuma kunt » Premier point. « Crains Allah où que tu sois. »« Wa atbi'i sayyi'ati l'hasana tamhuha »« Wa atbi'i sayyi'ati l'hasana tamhuha » Et fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Deuxième point. « Wa khaliq al-nas bi khuluqin hasan » Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. D'accord? Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que ce hadith soit bénéfique pour nous tous et qu'on l'applique, bien sûr. Barakallahu fikum. Donc. هذه ثلاثة أوامر من تأملها بتدبر ظهر له أنها تحصل للعبد الدعوة إلى حق الله والدعوة إلى حق النفس والدعوة إلى حق عباد الله. Donc, celui qui lit le hadith, comme je vous ai dit, lorsqu'on lit le Coran, barakallahu fikum, ou qu'on lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le fait pour se concentrer, pour comprendre. On ne fait pas juste de la lecture pour de la lecture. D'accord? Donc, celui qui médite dessus, il voit que dans ce hadith-là, il y a trois points. il y a une invitation au droit d'Allah. Et taqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois. Invitation au droit d'Allah. Deuxième point, une invitation au droit du nefs, du fort intérieur, l'âme entre guillemets. D'accord ? وَاتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Et le troisième point, une invitation au droit des serviteurs d'Allah. وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. D'accord ? Donc, الْوَسِيَةُ الْأُولَى اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُ مَكُنْتَ. Ça, c'est la première recommandation. Crains Allah où que tu sois. وَالْمَعْنَى لَازِمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمْ تَقْوَ اللَّهِ حَيْثُ كَانَتْ وَجْهَتُكْ فِي أَيْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ لَازِمْ تَقْوَ اللَّهِ. Donc, crains Allah où que tu sois, signifiant que tu te dois, ô musulman, musulmane, de craindre Allah où que tu sois, dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel temps, n'importe quelle direction. Il faut la crainte d'Allah Azza wa Jal. وَلَا بُدَّهَا هُنَا مِنْ بَيَانْ أُمُورْ الْأَمْرِ الْأَوَّلْ فِي مَعْنَةِ التَّقْوَى لُغَةً. Donc là, en fait, on doit expliquer hein, différents points, notamment, qu'est-ce qui est voulu par le terme « taqwa » qu'on traduit en français par « crainte ». D'accord ? Donc, linguistiquement, هي من التوقي وهو اتخاذ المرء وقاية يتقي بها ما يكره ويحذر. Donc, linguistiquement, c'est quoi la taqwa? Ça veut dire c'est en fait une protection. Une précaution. D'accord? Que la personne prenne ses précautions. Donc, il se protège contre quelque chose qui peut le nuire. D'accord ? Contre quelque chose qu'il déteste ou prend garde. D'accord ? وَمِنْهُ اتِّقَاءُ شِدَّةِ الْبَرْدِ بِالْمَلَابِسِ الْمَتِينَ. Comme par exemple, se protéger du froid avec, donc dès qu'il y a un froid, on va se protéger avec quoi ? Avec des vêtements qui sont assez épais. D'accord ? وَاتِّقَاءُ شِدَّةِ الْحَرْ بِمَا يَسْتَدْعِ الْحَالِ مِثْلَ طَلَبَ الذِّلِ. Donc, par exemple, se protéger du chaud, de la chaleur. Comment ? On va se protéger, prendre des précautions en se mettant à l'ombre. D'accord ? وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْتَهِدْ أَنْ لَا يَضُرُّهُ شِدَّةِ الْحَرِّ وَشِدَّةِ الْبَرْدِ. Donc, le sens étant hein, que la personne hein, se protège du grand froid ou du chaud en prenant ses précautions. Ça, c'est linguistiquement. D'accord ? Linguistiquement, c'est prendre des précautions. Selon ce qu'il y a, hein, le danger, ou prendre garde contre, eh bien, on va prendre nos précautions. D'accord ? وَأَمَّا مَعْنَةَ التَّقْوَى فِي الشَّرْعِ فَفِيهِ عِبَارَتَيْنِ. Donc, le sens, en fait, de la taqwa, du terme taqwa, dans la législation d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il y a deux expressions. Donc, إِحْدَاهُمَا هو التحرز بطاعة الله من معصيته التي هي سبيل عقابه. La première expression, c'est de par l'obéissance à Allah, c'est d'éviter sa désobéissance qui mène au châtiment. Première définition selon la législation, c'est que en obéissant à Allah, qu'est-ce que tu feras ? Tu vas éviter la désobéissance à Allah, hein, qui elle mène au châtiment. Première expression. والعبارة الثانية وهي أجمع منها هي عبارة طلق ابن حبيب رحمه الله التابعي المشهور. Donc c'est quoi un tabi'i ? Donc la deuxième expression c'est celle du tabi'i qui s'appelle Talq ibn Habib, qu'Allah miséricorde sur lui, qui était un célèbre tabi'i. C'est quoi la définition d'un sahabi déjà ? Non, plus précis. Non ? Un compagnon ? Oui, un compagnon, c'est quoi la définition ? Définition d'un compagnon. Alors, Abi Umm Maktoum était aveugle, mais c'était un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faut être plus précis. Donc, un compagnon, c'est celui qui a rencontré. C'est pour ça qu'on ne dit pas vu, parce qu'il y a des compagnons qui étaient aveugles, comme Abiyoum Maktoum. Donc, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort en ayant la foi. C'est ça la définition d'un compagnon. Donc, c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort en ayant la foi. Et un tabi'i, c'est quoi un tabi'i? Un tabi'i, si on veut traduire littéralement, c'est quelqu'un qui a suivi. Donc, un tabi'i, c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était en fait les étudiants des compagnons. D'accord? Donc ceux qui ont suivi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux les tabi'i. Et donc il y avait des grands savants parmi eux. Donc, Ibn Habib était un tabi'i, connu. Et il a donné la définition de la taqwa en disant « At-taqwa an ta'amal min ta'atillah » que tu agisses par obéissance à Allah « ala nourin min Allah » sur une lumière d'Allah, c'est-à-dire avec savoir. Donc, tu agis en obéissant à Allah Azza wa Jal avec connaissance, d'accord ? Tarju thawab Allah, tu souhaites par cela la récompense d'Allah Azza wa Jal. Wa antada ma'siyata Allah, et que tu délaisses la désobéissance à Allah, ala nourin min Allah, avec connaissance, d'accord ? Tarsha 'iqab Allah, tu crains le châtiment d'Allah. D'accord ? Fa hadha al-ma'na ينبئك أيها الناصح لنفسه والحازم في أمره إلى أن غاية التقوى هي الفقه في دين الله. Donc, ce qui est voulu, nous, on doit chercher à être sincères envers Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum. On doit chercher à comment s'améliorer, d'accord? Eh bien, ce qui est voulu par la taqwa, d'accord, c'est la connaissance dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Connaissance dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Hatta ya'lam al-mar ma huwa halal fa yuhillu wa ma huwa haram fa yuharrimu wa in shi'ta fa qul hatta ya'lam ala basira ma huwa mahbub lillah subhanahu wa ta'ala mardiyan lah fa ya'malah istijabatan lillah ولرسوله صلى الله عليه وسلم وامتثاله طلبت للتقوى عند الله عز وجل طلب للقربة عند الله عز وجل وكذلك يعلم علما على بصيرة. Donc il sait, en fait il agit en fait avec clairvoyance. Ce qui est voulu par la taqwa, barakallahu fikum, c'est quoi? C'est d'agir avec connaissance, avec clairvoyance, avec clarté. Tu sais que ça Allah azza wa jal l'aime, alors tu le fais. Allah Azza wa Jalla l'a ordonné, alors tu le fais. Avec connaissance, tu le sais ça. Et tu souhaites par cela la récompense d'Allah. Et que tu sais qu'Allah Azza wa Jalla l'a interdit telle chose. Tu le sais, tu le connais. C'est clair dans ta tête. Allah Azza wa Jalla l'a interdit, alors tu t'en écartes car tu crains son châtiment. D'accord ? Barakallahu fikoum. Donc, c'est la connaissance avec savoir. D'accord ? Le troisième point concernant les niveaux de taqwa. Maratib al-taqwa, les niveaux de taqwa. Et en résumé de ce que le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prouvent concernant cela, et selon bien sûr la compréhension de nos pieux prédécesseurs, que les niveaux de taqwa sont au nombre de trois. Il y a trois niveaux de taqwa. Premier, c'est fa'l al-ma'mourat, que tu fais, donc faire ce qui est obligatoire. Premier niveau, c'est faire ce qui est obligatoire. Deuxième étape de la taqwa, tark al-mahdhurat, délaisser ce qui est interdit. Donc premier point de la taqwa, il y a trois points. Premier point, faire ce qui est obligatoire. Deuxième point, délaisser ce qui est interdit. Troisième point, ittiqa et shubuhat. Se prémunir et se protéger des équivoques. D'accord ? Donc, la personne n'est pas sûre, elle ne sait pas c'est quoi, hop, elle s'en écarte. C'est un équivoque. Ça porte suspicion, c'est douteux. Je m'en écarte. Donc, les trois étapes de la taqwa, c'est faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit, d'accord ? Et se prémunir et se protéger des équivoques. Et ces trois niveaux-là, ces trois étapes de taqwa, sont mentionnées dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, qui est rapporté dans les deux sahih de l'imam Bukhari, qui est le livre le plus authentique après le Coran, et de l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna al-halal bayyin, le licite est clair. Wa inna al-haram bayyin, et l'illicite est clair. Wa baynahuma umurun mushtabihat. Et entre deux, entre le licite et l'illicite, il y a en fait des cas qui portent à confusion, qui sont équivoques. D'accord ? La ya'lamuhunna kathiran min an-nas. Peu de gens les connaissent. Peu de gens les connaissent. Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'adlihi. Donc qui s'est prémuni, qui s'est écarté des équivoques, a préservé sa religion et sa dignité, son honneur. Wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Et qui est tombé dans les équivoques est tombé dans ce qui est haram. D'accord ? Qui est tombé dans les équivoques est tombé dans ce qui est haram. Donc le licite est clair, l'illicite est clair, et entre eux, il y a des choses qui portent à équivoque. Donc, premier point des niveaux de taqwa, des étapes de taqwa, faire ce qui est obligatoire, le licite est clair. Cette partie-là dans ce hadith-là. L'illicite est clair indique le délaissement des interdits et de s'en écarter. Tark al-mahdourat. Et sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est entre deux est une mise en garde contre les équivoques afin de s'en écarter et ne pas tomber dedans. D'accord ? Et ça, c'est le point, ce qui est ittiqa shubuhat, yani craindre, se prémunir, s'écarter donc des équivoques. Le quatrième point qu'on voit, barakallahu fikum, mal murad bit taqwa. Donc, qu'est-ce qui est voulu donc par la taqwa ? Allah Azza wa Jal ordonne à maintes reprises ses serviteurs à avoir la taqwa, la crainte d'Allah. Parfois en les appelant par la foi, telle que la parole d'Allah Azza wa Jal, « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida » dans sourate Al-Ahzab, verset 70, « Ô vous qui croyez, qui ont la foi, craignez Allah » et parler avec droiture. Ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Hashr verset 18, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et parfois Allah Azza wa Jal ordonne à ces créatures d'avoir la crainte d'Allah. Donc, on dit les créatures, ça inclut qui ? Ça inclut tout le monde. D'accord ? C'est pour ça que lorsque vous trouvez dans Sourate An-Nisa, le premier verset, Ya ayyuhannas, ittaqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalin kathiran wa nisa'a, wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Donc, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. Et a créé de celui-ci son épouse. Donc craignez votre Seigneur, ô hommes, tous les hommes et femmes. Et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes ? Craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang, certes Allah vous observe parfaitement. Donc ce qui est voulu par la taqwa, c'est la crainte d'Allah dans les versets révélés. Hein ? Par Allah Azza wa Jal, « Taqwa hiya ibadatullah wahda » وإخلاص الدين له وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. Donc, ce qui est voulu en fait par la taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est l'adoration à Allah Azza wa Jal seul. Et la sincérité envers Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est adoré en toute vérité. Et que rien n'est adoré en vérité en dehors de lui. Rien ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit... وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Donc, pour qu'on comprenne, en fait, ce qui est voulu par la taqwa, on avait dit, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul. D'accord ? Sans rien lui associer. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du sens et du verset, « Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels, avant vous, le livre fut donné. » Tout comme à vous-même, dans Sourate An-Nisa, verset 131. Donc ce verset déclare clairement, barakallahu fikum, que cette communauté, ainsi que ceux qui les ont précédés, parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, sont tous recommandés de craindre Allah. Et ceci a une portée générale. Et cela a été notamment clarifié dans d'autres versets. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Vous voyez le lien entre les deux? Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager leur ordonnant d'adorer Allah et de mécroire au Tawhid. Est-ce que vous voyez le lien de ce qui est voulu par la taqwa là? Ce qui est voulu par la taqwa, c'est quoi? Ce qui est voulu par la taqwa? Pardon, ce qui est voulu par la taqwa. La crainte d'Allah. Ouais. C'est quoi qui est voulu par cela? Les trois choses que tu as dit là. Ouais. La première chose, c'est l'obligatoire. L'obligation? Non, c'est pas. C'est juste après. Après. Juste après. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Plus B. L'adoration à Allah. Ce qui est voulu par la taqwa, c'est l'adoration à Allah. Et vous voyez les deux versets ici? Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Voyez le deuxième verset, dans Sourate An-Nisa, verset 31. Deuxième verset maintenant, dans Sourate An-Nahl, verset 36. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager leur ordonnant d'adorer Allah et de mécroire au Tawhid. Donc Allah Azza wa Jal a envoyé à toutes les nations un messager leur ordonnant quoi ? D'adorer Allah. Barakallahu fik. Et de mécroire au Tawhid. Barakallahu fik, parce qu'il faut tout le temps se désavouer hein, de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ce qui est voulu par la taqwa, la crainte d'Allah, c'est l'adoration. Ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, excepté qu'Allah Azza wa Jal a révélé, point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc on voit dans ces trois versets-là que toutes les nations, hein, lorsqu'on voit avec le premier verset, craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné. Donc, tous, avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de craindre Allah. Qu'est-ce qui est voulu par la crainte d'Allah hein? On lit dans Sourate An-Nahl, verset 36. Nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager en leur ordonnant d'adorer Allah et de mécroire au Tawhid. Et encore dans Sourate Al-Anbiya, verset 25. Nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé, excepté qu'on ait révélé. Point de divinité digne d'adoration en dehors de moi, adorez-moi donc. D'accord ? Donc ce qui est voulu par la taqwa, c'est l'adoration à Allah Azza wa Jal, seul qui seul mérite l'adoration en toute vérité. Donc ces deux versets précités, ainsi que les nombreux versets dans ce sens, sont une preuve que l'origine de la religion d'Allah et sa base résident sur deux points. Deux points. Al-amr al-awwal, al-amr bi-ibadati Allah wahda. والتحرير على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه. Donc le premier point de la religion d'Islam, c'est l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. En s'unissant sur cela, et que l'individu qui délaisse cela est un mécréant. L'individu qui délaisse l'adoration à Allah Azza wa Jal, c'est un mécréant. Al-amru thani huwa al-indhar min ash-shirk fi ibadati Allah wa at-taghlid fi dhalik wa mu'adat fi wa at-takfir man fa'ala. Deuxième point, c'est quoi? C'est tout le temps envoyé, hein? La ilaha illallah. C'est quoi? C'est que négation, affirmation, comme on avait expliqué la semaine dernière. Première partie, négation, on renie et on se désavoue de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Affirmation, on affirme que le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, c'est Allah. Et bien là, le deuxième point, c'est la mise en garde contre, un terme qu'il faut s'habituer, le shirk à entendre, pour qu'on comprenne en arabe, le shirk, c'est l'associationnisme, le polythéisme. C'est par exemple aimer une chose comme on aime Allah. Obéir à quelqu'un qui rend quelque chose licite alors que c'est illicite, et l'individu qui l'obéit, eh bien en fait il est en train de l'adorer. Donc le premier c'est shirk fil mahabba, le deuxième c'est shirk fil ta'a, le polythéisme, l'associationnisme dans l'amour, le deuxième dans l'obéissance. Il y a quoi aussi? Le fait d'invoquer autre qu'Allah. Ceux qui invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça annule l'islam de l'individu. Celui qui invoque autre qu'Allah, peu importe les morts, les anges, les awliyas, comme ils disent, tu vois. Allah Azza wa Jal a dit Ad'ouni astajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Si tu invoques autre qu'Allah, tu es en train d'adorer. Quand tu invoques, tu adores. D'accord? Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle le polythéisme, l'associationnisme. L'individu qui, il y a plein de pays où est-ce qu'ils font ça, ils vont égorger des animaux pour des morts. Il y en avait même au Pakistan qui se disait, c'est qu'ils égorgeaient des poules et il a laissé se vider de son temps à côté d'une tombe. Pour que, soi-disant, celui qui est mort va se nourrir de celle-là. Subhanallah. Se prosterner pour autre qu'Allah, comme il y en a qui se prosternent pour les tombes, ça annule l'islam de l'individu. Et plus musulman. Donc, vous voyez le danger, c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas celui qui fait du, ce qu'on appelle le polythéisme majeur, shirk al-akbar. D'invoquer autre qu'Allah, d'égorger un animal pour autre qu'Allah, invoquer autre qu'Allah, aimer une chose comme on craint Allah. Allah Azza wa Jal dit يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ils les aiment comme ils aiment Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient aiment Allah Azza wa Jal plus que tout. Tu aimes Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. Mais le fait d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que sa propre personne, tu ne fais qu'obéir à Allah Azza wa Jal. D'accord? Tu n'aimes pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme tu aimes Allah Azza wa Jal. On est bien clair, ça c'est du shirk ça. Tu ne mets pas au même niveau. Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. Tu aimes Allah Azza wa Jal au-dessus de tout. Puis, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta propre personne. Plus que ta famille. Plus que ta propre personne. D'accord? Donc, le danger de ce qu'on appelle le shirk, le polythéisme, c'est que ça annule l'islam de l'individu qu'il pratique. Il n'est plus musulman. Même s'il se dit qu'il est dans un pays musulman et qu'il se croit encore musulman. Allah Azza wa Jal dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Et pardonne en dehors de cela. D'accord? Donc, ça, si l'individu vient avec des péchés le jour de la résurrection, et qui meurt sur ses péchés sans s'en être repenti, il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la croyance de l'Ahle Sunna, les gens de la Sunna, d'accord ? Il est sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Si Allah veut lui pardonner de par sa miséricorde, il lui pardonne. Mais s'il veut le châtier, il le châtiera de par sa justice. D'accord ? Et s'il n'associe rien à Allah, il restera donc une période de temps en enfer, puis pourra rentrer au paradis. Mais celui qui associe Allah Azza wa Jal, interdit de paradis. Et il reste en enfer pour l'éternité. Vous voyez dans le danger ? Donc, Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajri avait mentionné dans un cours, subhanallah, que ce verset-là, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il avait dit ça inclut le polythéisme majeur et mineur. Si tu fais une chose par ostentation, tu rentres dans la mosquée, il y a des frères, puis parce que tu sens qu'ils sont là en train de te regarder, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire la meilleure salade de ta vie. Tu pries pour Allah, on est d'accord. Mais tu attends en fait une récompense ou que les gens te voient bien ou d'accord. Tu attends ça des gens. Donc si tu as nié assez ça dès le départ, ça annule l'acte d'adoration. La prière n'est pas valide. Subhanallah. Donc si l'individu meurt sur ça, il est sous une menace. Vous voyez à chaque fois pourquoi il est important de renouveler son intention avant de faire un acte d'adoration. Avant que tu fasses quelque chose, parce que le shaitan il vient, il va essayer de t'embellir les choses pour que voilà, pour que les gens disent de toi, pour que je sais pas. Pourquoi je fais ça ? Tu te poses et tu te dis pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais ça ? Est-ce que je le fais sincère pour Allah ou pas ? Donc là, tu corriges ton intention. Tu t'assures que lorsque tu commences une prière, tu la fais que pour Allah Azza wa Jal. Et même, alhamdoulilah, si tu l'as fait bien, écrit, alhamdoulilah. On ne dit pas que parce que quelqu'un prend son temps dans la prière qu'automatiquement il est en train de la faire parce que les... Non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est son intention, c'est quoi ? Et nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur des gens. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a informé, je n'ai pas été envoyé pour savoir ce qui est dans le cœur des gens. Donc, le premier point de la religion de l'islam, c'est l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. Et les alliances se font sur cela. D'accord ? Et celui qui délaisse l'adoration d'Allah Azza wa Jal est un mécréant. Et le deuxième point, c'est la mise en garde contre le polythéisme, de tomber dedans, ou de le promouvoir. Hein ? Subhanallah. Ou d'encourager les gens à faire cela, en pensant qu'il n'y a pas de problème. D'accord ? Subhanallah. Non, Eri. Donc, la mise en garde contre le polythéisme, l'associationnisme, le shirk, on dira, dans l'adoration à Allah. D'accord ? Le désaveu se fait sur cela. On se désavoue du polythéisme et de leurs adeptes, de la mécréance et de leurs adeptes. On se désavoue. D'accord ? Parce que l'individu est avec celui qu'il aime le jour de la résurrection. Si tu aimes les kofars, tu seras avec les kofars le jour de la résurrection. Si t'aimes les gens de la sunna, tu seras avec les gens de la sunna le jour de la résurrection. Si t'aimes les gens de la bid'a, tu seras avec les gens de la bid'a le jour de la résurrection. Et vous voyez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Lorsqu'il sera au niveau du bassin Al-Kawthar, qui plongera sa main dans le fleuve, et que les musulmans viendront pour boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a de la communauté du prophète Mohammed, de l'islam, ils voudront venir, mais les anges mettront une barrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra de par les traces d'ablution sur le corps. Il reconnaîtra. Il dira, mais ils font partie de ma communauté. Et les anges répondront, « La tadri mada sana'u ba'dak » Baddalou wa ghayyarou. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Ils ont changé et modifié. Que dira le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dira Sohqan, sohqan liman baddala wa ghayyar. Loin de moi, pour celui qui a changé et modifié. Barakallahu fikum. On parlait tout à l'heure avec Rajab, avec le Mawlid, avec quoi que ce soit. Si tu fais une chose, tu te tiens sur une preuve. Tu meurs, tu seras seul dans ta tombe. Tu ne peux pas dire je suivais le shikh un tel ou quoi que ce soit. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Allah Azza wa Jalla leur donnait ça, le prophète s'enseigne leur donnait ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es dans ta tombe, tu es seul. Tu ne peux pas dire les autres, ils ont fait. Tout le monde faisait. On a toujours fait ça. Alors si tout le monde se jette par la fenêtre, tu te jettes par la fenêtre. Allah Azza wa Jalla dit wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka 'an sabilillah. Et si tu suis la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du droit chemin. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla dit illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa qalilun ma hum. Excepté ceux qui croient, qui ont la foi et font de bonnes œuvres, et comme peu nombreux sont-ils. Vous voyez? La majorité, elle a toujours été mentionnée comme quelque chose de mauvais. C'est pas parce que des gens ils sont majoritaires qu'automatiquement ils sont sur la vérité, on est d'accord? Non, Allah Azza wa Jalla le montre, l'a clairement explicité. Subhanallah. Et Allah Azza wa Jalla dit wa qalilun min ibadiy ash-shakur, et comme peu sont nombreux mes serviteurs qui remercient Allah Azza wa Jalla. Peu sont nombreux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la tazal ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq. Il y aura toujours une minorité de ma communauté qui resteront sur la vérité. لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Ceux qui se sont égarés ou qui les opposent ne les nuiront en rien et ils le resteront sur la vérité jusque ce que leur arrive. Vous voyez le croyant sincère. Il y a des gens, ils sont rejetés par leur propre famille. Soit ils se sont convertis à l'islam, d'accord? Et la famille déteste l'islam, ils les jettent complètement. D'accord? Mais ta famille, ton propre fils, ne peut être bénéfique en rien le jour de la résurrection. Rien. Toi, pose-toi une question. Toi, t'en es où? Allah Azza wa Jal, il t'a créé. Il t'a ordonné de l'adorer sans rien lui associer, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es éprouvé dans cette dunya, dans ce bas monde. Tu es éprouvé. C'est une vie de test. Tu dois être patient. Tu sais que de toute façon, Eri, tu ne vas rien ramener avec toi, que tes œuvres. Donc au lieu de rester par exemple 30 minutes à ne rien dire, tu fais du dhikr. Comme on avait dit la dernière fois, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, à chaque fois que tu dis ces quatre paroles-là, il y a un palmier qui est planté pour toi au paradis. Subhanallah. D'accord? Et que même si, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, mashallah, chez les convertis, lorsqu'ils rentrent dans l'islam et ils ont connu la vérité, et ils connaissent la vérité, et ils voient la voie droite, elle est où, et ils s'y cramponnent, hein? Il y a beaucoup de familles, qu'est-ce qu'ils font? C'est que même dans nos familles, du bled, là. Eh non, regarde, les gens, ils ont toujours fait ça, on a toujours fait ça, arrête, t'es comme ça, t'es je sais pas quoi, t'es. Ils vont essayer de t'embellir les choses mauvaises. Ils vont essayer de te détourner du haq. Mais toi, tu connais la vérité. Tu t'y accroches avec tes molaires, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que tu te dis, tu vois, cet individu-là, qu'est-ce qu'il est en train de te conseiller, Ri? Il est en train de te conseiller quoi? Il est en train de te conseiller de quitter la lumière pour aller vers les ténèbres. Subhanallah. J'ai rencontré un Polonais quand j'étais en Écosse. Il s'est converti à l'islam. Subhanallah. Il vivait dans un village. Il n'a jamais vu de musulman de sa vie. Mais Allah Azza wa Jalla sait. Si l'individu veut le haq, veut la vérité, aime la vérité, aime les gens qui sont sur cette vérité, Allah le guidera vers la vérité. Allah il sait que tu aimes la vérité et tu veux la vérité, Allah il te guidera vers la vérité. Allah il est juste, il est bon, il veut le bien pour toute l'humanité. Regarde, il a créé l'humanité, il ne les a pas laissés comme ça. Barakallahu fikum. Il leur a envoyé des prophètes et messagers pour leur montrer la voie du paradis. D'accord? Donc je lui posais la question, comment il s'était converti? Il cherchait, parce qu'il était dans une famille orthodoxe, chrétienne, tout cela. Et puis, bon, Trinité, 1, 2, 3, ça fait toujours 1. 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Donc, puis dès que tu as des discussions avec eux, mais oui, mais si tu dis le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais si tu dis, si tu tues le Fils, mais ils font qu'un, donc ça veut dire si t'en tues un, il n'y a plus rien. Ça tue le Fils, il n'y a plus le Père, comme ils disent. Donc personne ne contrôlait le monde, subhanallah. Donc là, ils sont bloqués. Donc, bref, lui, il était tout seul, hein, il n'a pas eu... Il avait dit, il commençait à chercher dans les autres religions et il est tombé sur l'islam. Il a commencé à voir, c'était clair. Religion de tous les prophètes et messagers. Hein? Musulman, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui se soumet à Allah Azza wa Jal en l'adorant seul et en suivant le prophète qui lui a été envoyé. Donc, tous ceux qui suivaient les prophètes qui les ont précédés, qui nous ont précédés, d'accord? Ils suivaient leurs prophètes en adorant Allah Azza wa Jal seul, en adorant qu'Allah Azza wa Jal seul. C'est des musulmans. Et ils sont morts en tant que musulmans. La communauté de Moussa, alayhissalam, la communauté de Nuh, alayhissalam, la communauté... Tous les prophètes et messagers qui ont été envoyés par Allah, azzawajal. Jusqu'au dernier prophète et messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité. Donc toute l'humanité se doit de suivre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, hein, lorsqu'il lisait des livres des gens du livre, il lui disait, Ibn al-Khattab, si Moussa, si Moïse, alayhi salam, hein, était encore présent aujourd'hui, il aurait délaissé ce qu'il a reçu comme révélation et il aurait suivi la mienne. Donc c'est pour ça que, barakallahu fikum, lorsque l'individu, il est rejeté, d'accord, certes, il est triste. Il va se sentir triste, il va se sentir... Mais regardez, Allah Azza wa Jalla dit, « Innahum la yukadibunak. » Ils ne te demandent pas, ils savent que tu es sur le haq, sur la vérité. Mais les injustes, d'accord, ils essaient, hein, de dénigrer les versets d'Allah. Alors qu'ils savent que c'est la vérité. D'accord. Donc l'individu, subhanallah, il pense à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi, à ce compagnon. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ce compagnon-là, barakallahu fikum, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'arriverait jamais à atteindre le niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit il aime Allah azza wa jal et son messager. Malgré que il n'est pas au même niveau, hein, d'acte d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Al-mar'u ma'man ahab » L'individu sera avec celui qu'il aime. T'imagines? Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as connu la vérité, tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'individu, il est ferme. Et comme les ulama ont dit, hein? Inna an-nasr ma'a sabr. La victoire vient avec la patience. Wa inna ma'a al-usri yusra. Et avec la difficulté arrive la facilité. D'accord? Donc, le deuxième point, donc premier point, c'est l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer. On se regroupe sur cela. Et l'individu qui délaisse l'adoration à Allah Azza wa Jal est un mécréant. Le deuxième point, c'est la mise en garde contre le polythéisme, l'associationnisme dans l'adoration à Allah Azza wa Jal. Le désaveu se fait sur cela. On se désavoue du polythéisme et de ses adeptes. Et l'individu est mécréant s'il le pratique, le polythéisme. D'accord ? Donc, les prophètes et messagers sont unanimes sur cela. Depuis Nuh, alayhi salam, jusqu'au dernier prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que la lutte dans le sentier d'Allah azza wa jalla a été organisée. Hein, inviter les gens à l'islam. Ce n'est pas le fait de tuer les gens, subhanallah. C'est de inviter les gens à l'islam avec les preuves. D'accord ? Dans Surat al-Furqan, où Allah azza wa jalla dit « Wajahidhum jihadan kabira » Dans Surat al-Furqan, elle a été révélée, alors que de combattre le jihad avec les armes était interdit. Il n'a pas encore été légiféré. Le prophète sallallahu alayhi n'avait pas encore le droit, hein, malgré qu'il recevait les nuisances. Mais ce qui était voulu par là, c'est le fait de leur parler avec les preuves, les inviter avec les preuves. C'est ça. D'accord ? Il rapporte les preuves clair. Et il les invite à cela. D'accord ? Et le message de l'islam, barakallahu fikum, alaykum salam wa rahmatullah, le message de l'islam, barakallahu fikum, c'était, c'est d'inviter les gens à unifier Allah Azza wa Jalla dans leur adoration et à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le message de l'islam écrit, barakallahu fikum, c'est comme on disait la semaine dernière. L'islam, il n'a pas été envoyé pour tuer des gens et puis on n'a rien à dire. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla, il a créé ces gens-là, écrit. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé des prophètes et messagers. C'est quoi le but d'envoi des prophètes et messagers? But d'envoi des prophètes et messagers. Non. Voilà, c'est de les inviter à adorer Allah, d'unifier Allah dans l'adoration, écrit. Quand est-ce que ça a commencé? On avait mentionné ça la semaine dernière. Entre Adam et Nuh, il y a 10 siècles. Tout c'était sur le bien. Et du temps de Nuh alayhi salam, des gens sont décédés, qui étaient des gens très pieux, et le shaitan est venu sous une forme humaine, construisez leur des statues pour vous en rappeler. Hein? Regardez le shaitan. Pour vous en rappeler. Juste, il n'aura pas dit adorer les. Non, juste pour vous en rappeler. Puis après les générations sont passées. La science s'est dispersée. Et le shaitan est revenu sous une forme humaine en leur disant, vos ancêtres adoraient ces statues pour se rapprocher d'Allah. C'est là que la première fois que le polythéisme est apparu sur terre. Alors Allah Azza wa Jalla a envoyé Nuh alayhi salam en tant que messager, prophète et messager. Parce que Adam alayhi salam c'était un prophète. Alors que c'était pas un messager. Alors que Nuh alayhi salam c'était le premier prophète et messager. D'accord? Pour inviter les gens à se désavouer de l'adoration autre qu'Allah. Tu sais que c'est Allah Azza wa Jalla qui a créé tout cela. Seul lui mérite l'adoration. Invoque-le lui. Place ta confiance en lui seul. D'accord? C'est pas correct, même dans le langage de tous les jours, de dire à quelqu'un, j'ai confiance en toi. Astaghfirullah. C'est pas bon de dire ça, écrit. La confiance, c'est un acte du cœur, c'est une ibad, elle ne se fait que pour Allah, Azza wa Jal, seul. D'accord? Donc, qui répond à l'appel d'Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des gens du paradis. Parce qu'il y a un groupe qui est destiné au paradis, un groupe qui est destiné en enfer. D'accord? Ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des gens du paradis. Et qui a rejeté cela par orgueil et arrogance ne répond pas à l'appel ni celui d'Allah, ni à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ni à l'appel d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là fait alors partie des gens de l'enfer. C'est pour cela qu'il est nécessaire, notamment, mais ça, les prédicateurs, ils doivent s'en rappeler, ceux qui prêchent, d'accord ? Que l'important c'est quoi? C'est le pur monothéisme. Tu ne corriges pas les gens comme on disait la semaine dernière en restant à leur dire tu dois être gentil, tu dois être gentil, tu dois être gentil. D'accord? L'individu, lorsqu'il corrige sa relation envers Allah Azza wa Jal, d'accord? C'est toute sa vie qui se réforme avec son environnement. Et c'est comme ça que l'individu devient bon. D'accord? Parce que quoi qu'il fasse, il ne s'en remet qu'à Allah. Il comprend très bien le pur monothéisme. Il comprend la ilaha illallah, il l'applique. Il sait qu'il devra rendre des comptes. Il sait que les gens ont des droits. Il les respecte. D'accord ? Il ne parle pas sur autrui. Il ne met pas les gens en conflit. D'accord ? Il ne vole pas. Il ne ment pas. Il sait qu'Allah Azza wa Jal l'observe constamment. Où que tu sois, Allah Azza wa Jal t'observe constamment. Il sait même ce qu'on pense, toutes les créatures. Donc, oui. Barakallahu fikum. Et celui qui concrétise le pur monothéisme, ce qu'on dit en arabe le tawhid, d'accord, le fait de concrétiser le pur monothéisme, d'accord, ça c'est le meilleur moyen d'entrer au paradis. Et on fera inchallah un cours notamment sur ça, sur comment on peut concrétiser le pur monothéisme, inchallah. Et bien sûr, il ne faut pas juste inviter les gens à adorer Allah Azza wa Jal seul. Il faut aussi mettre en garde contre le polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, pour que les gens connaissent en fait les pièges y sont où. Ehi, barakallahu fik. Si tu marches sur cette ligne là, il y a des trous qui sont placés là. Tu sais pas où sont les trous. Et tu marches, tu vas tomber dedans. Tu risques de tomber dedans. Alors que si je te dis, Eri, fais attention, Il y a un trou ici, un trou là et là. Un autre exemple très simple. Vous roulez sur la route. Il y a un radar à 70 là. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Il y a même les applications pour savoir où sont les radars. Attention, il y a un radar ici. Oh, attention, il y a un contrôle de police ici. Donc faites attention comment vous roulez. Et vous faites des appels de phare et tout ça. Donc lorsque tu sais où sont les radars, tu fais attention de ne pas avoir la vitesse qui dépasse. De transgresser, d'accord ? Si on veut donner cette comparaison-là. Alors là, si tu connais, Eri, tous les dangers, tout ce qui peut te faire tomber, basculer dans le polythéisme, hein, l'associationnisme à Allah Azzawajal, tu sais c'est quoi ? Tu t'en écartes. Tu t'en écartes ? Combien il y en a qui disent des choses, des paroles, Eri ? Un cours qu'on avait fait, je crois. Des types de polythéisme mineur, notamment, qui jurent par autre qu'Allah. Ou qui disent ce que Allah veut et ce que tu veux. Ou qui disent j'ai confiance en toi, puis en Allah. Subhanallah. On l'entend, ça écrit. Oui, allez, c'est pas juste parce qu'on dit des mots que ça y est, ça passe à la trappe. Hein. D'accord ? C'est pas parce que vous avez pas fait une prosternation devant une tombe que automatiquement vous ne tombez pas dans du polythéisme. Ça peut tomber. Ça, c'est du polythéisme mineur, ça, le fait dans le langage. Mais ça peut devenir du majeur si l'individu il jure par autre qu'Allah en donnant de l'importance à ce qu'il jure. Il y en avait un dans une, en Égypte, un village. Donc le juge savait que cet individu-là mentait. Ça se voyait. Tu sais les individus qui mentent parfois. De toute façon, comment ils se comportent et tout. Et il lui demandait de jurer par Allah. Il a juré par Allah en mentant. Alors il lui a dit, jure sur le Badawi. D'accord ? C'est sur un individu qui considère comme étant un saint et tout ça. Bref. Il a refusé, il a eu peur. Parce qu'il se disait, s'il va jurer sur lui en mentant, il risque d'avoir un malheur qui va s'abattre sur sa maison. Alors qu'il n'a pas de problème à jurer hein, sur Allah Azza wa Jalla. Donc ça fait basculer l'individu du polythéisme mineur au majeur. Ça annule son islam. Ça. Vous voyez les dangers ? Donc c'est pour ça que l'individu se doit de comprendre parfaitement sa religion. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته هو شركه وفي رواية الترمذي فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك. Donc, dans une narration qui a été rapportée par l'imam Muslim dans son Sahih, selon Abi Hurayra رضي الله عنه, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal a dit je m'autosuffis, je n'ai besoin de personne. Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah Azza wa Jal dit qu'il s'autosuffit, hein, il n'a besoin d'aucun associé. Celui qui fait une action, une œuvre, en m'y associant quoi que ce soit, je le délaisse lui et son association. Et dans une autre version, je me désavoue de cet individu. Et tout ce qu'il a fait est pour ceux pour qui il m'a associé. D'accord ? Donc vous voyez le danger de cela ? Donc, il y a une parole qui est très importante. J'avais mentionné tout à l'heure le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que si vous voyez beaucoup dans la communauté qui font des actes, qui sont. Hein, qui se mettent à, je sais pas, aller voir les tombes, aller invoquer autre chose, dire des choses, hein, en s'habituant et tout cela. L'individu, ce n'est pas parce qu'il voit la majorité faire des choses que ça veut dire que c'est bon. D'accord ? Non. Il doit s'assurer que c'est en conformité avec la législation d'Allah Azza wa Jalla, le Coran, la Sunna. Donc, c'est pour ça que le hadith que j'avais mentionné tout à l'heure, il y aura toujours une minorité de ma communauté, que le professeur Salman a dit, qui restera sur la vérité. Ceux qui les opposent ne les nuiront en rien, ils resteront ainsi jusqu'à la fin des temps. D'accord ? Et pour être plus précis, c'est en fait jusqu'à vers la fin des temps. Parce que vous savez que l'heure se lèvera sur qui ? Sur les plus mauvaises créatures. Hein ? Lorsqu'il ne se dira même pas sur terre Allah, Allah. D'accord ? Il y a une parole de Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah. Très belle parole qui dit « Alayka bi turuq al-huda » ولا يضرك قلة السالكين وإياك وترك الضلالة ولا تختر بكثرة الهالكين. Suis, prends la voie de la droiture, de la guidée, et ne prends pas, ne vois pas ça comme étant un mal le fait que peu la suivent. Prends la voie de la droiture, de la vérité. Et ne vois pas ça comme un mal, hein. Qu'il n'y a que peu de gens qui la suivent. Parfois, tu peux être tout seul dans toute une ville, à être sur la voie droite. Ça ne veut pas dire que parce que tout le monde est en train de foncer sur un mur, qu'on va foncer sur un mur avec eux. D'accord, Baraklofik. Donc, prends la voie de la droiture, de la guidée. Et ne prends pas pour mal le fait que peu la suivent. Et prends garde aux voies de l'égarement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tracé. Hein, on a appelé le hadith au début. Il a tracé une longue ligne droite, il a dit... Ceci est la voie d'Allah. Et il a tracé des petites lignes droites en disant ceux-là sont les petites voies. Sur la tête de chaque petite voie, il y a un diable qui invite les gens à la suivre. Donc prends la voie de la droiture, de la guidée. Ne prends pas pour mal le fait que peu la suivent. Et prends garde aux voies de l'égarement. Et ne sois pas trompé par le nombre important d'égarés. Ne sois pas trompé par le nombre important d'égarés. La deuxième partie, ça c'était pour la première partie du hadith, ittaqillah haythu ma kunt. La deuxième partie du hadith concerne le second ordre. Le sens, c'est ordre aux musulmans que quoi qu'ils fassent comme erreur ou comme mal, qu'ils le fassent suivre par une bonne action, qui elle l'effacera. Parce que la bonne action efface la mauvaise action. Et ici, il est important de clarifier deux points. Al-amr al-awwal, anna sayyi'at ala darbayn. Le premier point, c'est qu'il y a hein, c'est que les mauvaises actions sont de deux sortes. Deux sortes. Quelles sont les deux sortes de mauvaises actions ? Grand péché, petit péché. Très bien. Péché majeur et péché mineur. D'accord ? Al-kabayr, mithla al-zina, wa al-sariqa, wa al-sharb al-khamr, wa al-uquq, qati'at al-rahim. Il y a des exemples. Huwa kull. Alors, ça, ce sont les péchés majeurs. D'accord ? Mauvaises actions, elles sont de deux sortes. Péchés majeurs, tels que la fornication, le vol, la consommation de vin, d'alcool, rompre les liens familiaux, etc. D'accord ? Et comment on reconnaît un péché majeur lorsqu'on lit le Coran ? Comment on peut savoir que ça, c'est un péché majeur ? Hein ? Vous lisez, vous savez que ça, c'est fait partie des péchés majeurs, ça, c'est fait partie des péchés mineurs. Eh bien, le péché majeur... C'est lorsque vous lisez que il y a telle punition par le fait d'avoir transgressé les limites d'Allah Azzawajal qu'il a imposées. Par exemple, il y a un had, celui qui fait ça, eh bien, il doit recevoir ça. Celui qui a volé, il faut lui couper la main. Par exemple. D'accord ? Donc ça, ça fait partie des péchés. Ou bien, il y a un châtiment dans cette vie d'ici-bas, que vous lisez qu'il y a un châtiment dans cette vie d'ici-bas pour celui qui commet telle ou telle chose. Troisième point, c'est le fait d'encourir la colère d'Allah ou la malédiction d'Allah. Le fait d'encourir la colère d'Allah ou la malédiction d'Allah et de son prophète, ou bien une menace de l'enfer. Si vous lisez par exemple, il y a une menace de l'enfer pour un individu qui fait telle ou telle chose, d'accord ? Une menace de l'enfer, donc dans l'au-delà. Et donc. Qu'est-ce qui différencie donc les péchés majeurs des mineurs ? C'est que les péchés majeurs nécessitent une taouba. Les péchés majeurs nécessitent une taouba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui consomme l'alcool, celui qui s'assoit à côté de quelqu'un qui le consomme, celui qui le sert, celui qui le transporte, celui qui le produit. Tout cela, ça rentre dans la malédiction, ça fait un péché majeur. Le fait de s'asseoir à côté de quelqu'un qui boit de l'alcool, c'est un péché majeur. Parce qu'il y a la malédiction d'Allah Azza wa Jal qui tombe sur cet individu. D'accord. Donc, barakallahu fikum, tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, Allah azza wa jalla déjà a interdit riba, l'intérêt, l'usure, les crédits bancaires avec intérêt, etc. D'accord. On te prête 1000, faut que tu rentres 1500. Ou on te prête 1000, faut que tu rentres 1100. Ou bien on te prête 1000, faut que tu rentres 1000,1 centimes. Même le 1 centime est riche, c'est du riba. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui fait le contrat, celui qui le témoigne, celui qui le signe, celui qui le paie et celui qui reçoit l'intérêt. Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont trompés, ils croient que non, c'est pas moi qui prends l'intérêt, c'est lui qui le prend. Hein? Oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui le paie et sur celui qui le reçoit. Donc en fait, tout ce qui inclut un châtiment dans cette ville ici-bas, ou une menace de l'enfer, ou la malédiction d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou une punition par le fait d'avoir transgressé les limites d'Allah qu'Allah a imposées, eh bien ça fait rentrer dans le péché majeur et ça nécessite une taouba, une repentance. Tandis que les péchés mineurs, c'est tout ce qui est en dehors de ce qui est cité. Comme par exemple, voir quelque chose de haram, serrer la main d'une femme qui est étrangère, etc. D'accord ? Donc ça, ça rentre dans tous les péchés mineurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un point qu'il faut que je souligne parce que c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une personne qui assiste aux prières obligatoires, qui a fait les ablutions de façon correcte, les inclinaisons dans la prière de façon correcte, et craint dans sa prière le mieux possible, excepté que cela lui est une absolution de ce qui est entre cette prière et la suivante, et ceci pendant tout le temps, tant qu'il ne commet pas de péché majeur. Donc il y a un péché qui est rentré en fait dans une banalité, et c'est un péché majeur, que j'aimerais souligner, inshallah, avant de continuer. On comprend par cela, d'une part, que l'absolution des péchés, le fait qu'Allah Azzawajal pardonne les péchés mineurs, c'est conditionné par quoi ? C'est conditionné par quoi ? Demander pardon ? Non, c'est ce que je vais mentionner. Par le fait de ne pas faire de péché majeur. Le fait qu'Allah Azzawajal pardonne les péchés mineurs, c'est conditionné par le fait de ne pas faire des péchés majeurs. Tel que la némima. Je vais aller voir un frère, je vais lui dire, un tel, il a dit ça sur toi. Et je vais aller voir l'autre frère, et je vais lui dire, un tel, il a dit ça sur toi. Comme ça, ils se mettent en conflit. Ça, c'est l'anime, c'est un péché majeur. La riba. Je parlais sur un frère en son absence. Sur une chose qu'il déteste. Vous voyez les gens comment... Vous vous regroupez quelque part dans un café et vous commencez à parler, à débattre sur les gens. Subhanallah. Et ça, c'est des péchés majeurs. Allah Azza wa Jalla pardonne les péchés mineurs tant que, c'est conditionné par quoi, hein, par le fait de ne pas faire de péché majeur. D'accord. Allah Azza wa Jalla dit In tajtanibu kaba'ir ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Clair, merci. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte. D'accord ? Donc ce qui est voulu par cela, c'est que l'individu fasse des efforts à ne pas tomber dans ces péchés majeurs. Il y a un péché majeur qu'on se doit, barakallahu fikum, d'en parler. D'accord ? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sahih de l'imam al-Bukhari, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa finnar » Le vêtement qui se situe au-dessous des chevilles est en enfer. Donc, dans un cours qu'Allah nous facilite, inshallah, lorsqu'on fera notamment la concrétisation du pur monothéisme, on parlera des péchés majeurs, c'est quoi ? Et laisser le vêtement sous les chevilles fait partie des péchés majeurs. Pourquoi la menace de l'enfer est là? D'accord. L'imam al-Bukhari, dans son chapitre, a mentionné, avant de commencer ces hadiths-là, tout ce qui, le titre du chapitre c'est quoi ? Tout ce qui est en dessous des chevilles est en enfer. Donc ça c'est une menace claire. Menace claire. Donc on comprend qu'il y a une menace de l'enfer. Catégorie dans les péchés majeurs. Aujourd'hui, il y a des gens, ils vont dire, non, tant que tu ne le fais pas par orgueil. Tant que tu ne le fais pas par orgueil. D'accord ? Donc là, le hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement dit que tout ce qui se situe sous la cheville est en enfer. Il y a d'autres hadiths que l'individu, s'il le laisse en dessous de la cheville, donc déjà c'est un péché majeur, il est menacé d'enfer. Mais en plus de cela, il le fait par orgueil, ça c'est pire. Ça c'est pire. On peut pas dire barakallahu fikum que yani, non, tant que je le fais pas par orgueil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont utiliser ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Abu Bakr al-Siddiq, dès qu'il avait entendu ce hadith, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, avait dit, oh messager d'Allah, quand je n'y fais pas attention, yani quand il n'y prend pas garde, il ne fait pas attention, parce que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, c'était quelqu'un de maigre. D'accord ? Quelqu'un de maigre. Eh bien, son vêtement, il descendait sous sa cheville. Il a dit, quand je ne faisais pas attention. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, tu es de ceux qui ne sont pas arrogants. Donc aujourd'hui, barakallahu fikum, on doit craindre Allah comme il se doit. On ne peut pas mettre notre pantalon dès le matin, en voyant qu'il descend, et en disant que je n'ai pas fait attention. Et on ne peut pas dire, je ne suis pas orgueilleux comme Abu Bakr al-Siddiq. Je ne le fais pas par orgueil. D'une part, on répond, barakallahu fikum. Ça, c'est une thèse qu'il y a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr al-Siddiq. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a honoré Abu Bakr al-Siddiq en lui disant que lui ne fait pas partie des gens qui sont orgueilleux. Donc toi, aujourd'hui, barakallahu fikum, tu as reçu la thèse qu'il y a de qui ? Que tu ne fais pas partie de ceux qui sont orgueilleux. Oui, barakallahu fikum. C'est pour ça que nous, ce qu'on doit faire, pourquoi je mentionne ça ? Parce que c'est devenu une banalité, barakallahu fikum. Yani, si on sait que l'absolution des petits péchés, des péchés mineurs qu'on fait, juste on allume la télé et on voit les infos et on voit les femmes et tout ça là, en train de présenter et tout cela, c'est des péchés, Mary, qu'on est en train d'accumuler. Ça reste des péchés mineurs, certes, mais ce sont des péchés. Eh bien, pour qu'Allah pardonne ces péchés-là, c'est conditionné par le fait que tu fais suivre par une bonne action. Tu fais tes ablutions, tu pries de la karat. Tu fais tes ablutions, tu lis le Qur'an, tu fais du dhikr. D'accord ? Tu souris à un frère, c'est une bonne action, c'est une sadaqa. Tu aides un frère, c'est une bonne action, c'est une sadaqa. Tu vas faire tes courses avec l'intention, hein, de nourrir ta famille, en le faisant pour Allah Azza wa Jal, tu es récompensé. C'est une sadaqa. La nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Subhanallah. Donc, pourquoi je lui ai dit que je t'ai mentionné là ? Parce que ça, c'est un péché majeur, Eri. Donc si déjà on fait ce péché majeur-là, conditionnement d'effacement des péchés mineurs, il faut éviter les péchés majeurs. D'accord ? Barakallahu fikum. Le troisième partie, on va terminer avec là, inshallah. Troisième partie du hadith, je vérifie juste que je n'ai rien oublié, barakallahu fikum. Donc, fais suivre la mauvaise action par la bonne qui l'effacera. Ça, c'est le droit de du fort intérieur. D'accord ? Tu vas t'efforcer, hein, à craindre Allah. Bon, il y a des choses, on ne sait rien. Nous, juste, on essaie d'apprendre et on essaie de se réformer, de se corriger. On fait ça pour plaire à Allah, on fait pas ça pour que les gens disent de nous. C'est ça notre intention qu'elle doit être. D'accord ? Barakallahu fikum. Et la troisième partie, wa khalaq an-nas bi khuluqin hasan. Et traite les gens avec un bon comportement. Ce qui est voulu par le bon comportement, c'est sidq al-hadith, parler avec vérité. Qu'on sache, toi, tu es musulman, tu es quelqu'un de véridique, tu ne mens pas, on sait, il ne ment pas. C'est pas un hypocrite, c'est pas un menteur. Il ne dit que la vérité, il ne ment pas. D'accord ? Wa hifdhul amana. Préserver le dépôt. Un frère, tu as déposé quelque chose, de l'argent pour que tu le conserves. C'est pas tu vas l'utiliser sans son autorisation, tu vas dilapider son argent et après il va venir te voir. Il y a des cas qui sont déroulés comme ça. Et un frère, il est venu le revoir, il lui a dit j'ai rien à toi, tu m'as rien donné. Et je te dois rien. C'est pas normal. Ça, c'est pas le comportement du musulman, ça, pas que l'on fait. D'accord ? Wa hafdul amana, donc préserver le dépôt. Wa injaz al-wa'd. Quelqu'un il t'invite, tu réponds à son invitation. D'accord ? Ton frère il t'invite à manger chez lui, tu réponds. D'accord ? Barakallahu fik. Wa husn al-jiwar. Avoir un bon voisinage. T'es pas comme une fois, j'avais vu dans un quartier, on rentre de Salat du Isha et il y a des jeunes en train de viser avec leur ballon de foot les fenêtres des gens. 11h du soir. Les gens, ils vont regarder par la fenêtre, ils vont dire quoi ? Ils vont dire, regarde ceux-là, hein, ils se prétendent musulmans. Hein, voilà, c'est quoi l'islam, ça leur enseigne quoi ? Vous voyez ? Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que Jibril alayhi sallam lui avait tellement mentionné sur le voisin qu'il croyait qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Hein ? Subhanallah. Il y en a même. Les voisins, c'est pas des musulmans. Et alors, Ekhi, tu vas aller les voir. Subhanallah. Tu vas voir s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Ça, c'est une da'wa, ça, Ekhi. Fais attention, une da'wa. T'as un bon comportement avec eux. T'as fait quelque chose. Tu leur offres quelque chose. Tu vois ? Et les gens, ils voient ça. Regarde le musulman, comment il se comporte. C'est quelqu'un de correct, quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Je me sens en sécurité avec lui. Tu vois ? Walbir, wassila, garder les liens familiaux. D'accord ? Watib al-kalam, avoir une bonne parole. Il faut s'habituer, s'efforcer à ne pas dire de gros mots, écrit. Allah azza wa jal, subhanallah. Allah azza wa jal, du haut des sept cieux, t'observe constamment. Allah azza wa jal dit, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui ressemble et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Allah, il t'a créé cette langue-là. Tu aimerais que Allah, hein, il voit que tu es en train de dire des mauvaises paroles, traiter un tel, parler mal sur quelqu'un. Parfois, on sous-estime hein, les péchés là, avec la langue, alors que ça peut mener un individu hein, pendant un certain temps en enfer, qu'Allah nous en préserve. Warad al-salam. Donc, un musulman ou un non-musulman te donne le salam, tu réponds au salam. D'accord ? Le musulman te dit salam alaykum, tu réponds wa alaykum salam. Ou tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullah. Ou tu réponds wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Soit tu dis comme lui, ou soit tu fais plus. S'il te dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah », tu ne peux pas dire « Salam ». C'est quoi ça, « Salam » Subhanallah. « Salam ». Il y en a même, ils ne répondent même pas au « Salam ». Tu rentres dans la mosquée, tu dis « Salam » ils ne répondent pas. Subhanallah. Allah Azza wa Jal dit « Wa idha huyitum bi tahiyya, tahayyu bi ahsana minha, aw rudduha, inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba ». Si on vous a salué, rendez-le ou rendez-le mieux que ce qui vous a été salué, car Allah hein, demandera des comptes sur tout cela, même sur cela. D'accord ? Barakallahu fik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa man ahabba an yuzahzih 'an an-nar wa yudkhal al-jannah. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui veut donc s'écarter de l'enfer, d'accord, en étant croyant, d'accord, wa huwa yu'minu billahi wal yawm al-akhir wal yu'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'tu ilayhi, qu'il donne aux gens ce qu'il souhaite que les gens, yani qu'il agit avec les gens comme il aimerait qu'on agisse avec lui. Qu'il donne comme on aimerait qu'on lui donne. D'accord ? Celui qui croit en Allah, celui qui souhaite s'écarter de l'enfer, d'accord ? Et entre au paradis, en étant croyant en Allah Azza wa Jal, eh bien, et au jour dernier, eh bien, qu'il, lorsqu'il se comporte avec les gens, qu'il donne aux gens comme il aimerait qu'on lui donne. Qu'il se comporte avec les gens comme il aimerait qu'il se comporte avec lui. D'accord ? Et dans cette phrase de ce hadith, c'est une base dans le comportement avec les gens. Qu'il soit musulman ou qu'il soit mécréant. Avec le mécréant, tu ne commences pas à dire le salam. D'accord ? Si lui te dit salam alaikum, tu réponds alaikum salam. D'accord ? Mais tu ne commences pas à dire salam alaikum au mécréant. Par contre, au musulman, celui qui commence à dire le salam, c'est celui qui va avoir plus de récompenses. D'accord ? Parce que, avec les mécréants, ceux qui ne sont pas musulmans, barakallahu fikum, nous sommes ordonnés, nous, en tant que musulmans, à ne pas violer leurs droits, leur argent, leur âme, leurs biens, d'accord ? Parce que il y a un pacte entre eux, les musulmans et les mécréants. Ta carte d'identité, ta carte de séjour, c'est un pacte que tu as entre toi et ce gouvernement non musulman. Et les ulémas ont dit, il t'est ordonné de respecter ce pacte. On a des pays d'origine, consulats, tunisiens, marocains, algériens, qui sont implantés en France. Ce sont des pactes entre nos pays d'origine et ce gouvernement non musulman. Donc nous sommes obligés de respecter le pays dans lequel on vit. Et les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. D'accord ? Parce que celui qui ne respecte pas ça, eh bien, il rompt les pactes. Et celui qui rompt les pactes, ou qui tue quelqu'un, ne sentira pas l'odeur du paradis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. D'accord ? Et donc, dans le cas où ces mécréants vivent parmi les musulmans, ou bien que nous, en tant que musulmans, nous vivons parmi eux. Il y a des pactes qui sont faits. Quelqu'un qui va, un touriste qui va par exemple en Tunisie, en Maroc, en Algérie, dans les pays musulmans, il est interdit, Yahri, strictement interdit. Tu tombes sous la menace de le tuer ou de lui voler quoi que ce soit. Parce qu'il y a un pacte entre ce gouverneur. Il est rentré dans ce pays-là avec une autorisation, Yahri. Donc c'est un pacte, ça, entre ton gouverneur de ton pays musulman avec cet individu-là qui est rentré. D'accord ? Vous voyez, lorsqu'on parlait de l'importance du savoir, hein, ce jeune-là, lorsqu'il y avait des touristes qui sont partis en Tunisie et puis ils les ont tués, ça. Subhanallah. Ou bien qu'ils sont partis dans les pays musulmans, ils se font tuer. Qu'est-ce qu'il croit qu'il a gagné, lui ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui tue quelqu'un sous un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Vous pensez sincèrement que cet individu-là, s'il avait du savoir, et il a lu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire comme ça ? Mais non, c'est juste des délinquants, des gens qui aiment le crime, des gens qui aiment la corruption, qu'Allah nous en préserve. Vous voyez pourquoi c'est important, barakallahu fikum. La recherche du savoir. Tu sais la voie des criminels, tu t'en écartes. Tu connais la voie des croyants, tu la suis, tu t'y accroches. Et tu crains Allah Azza wa Jal comme il se doit, en espérant que tu le fasses sincère pour Allah Azza wa Jal. Wa khalaq an-nas bi khuluqin hasan. Donc comporte-toi avec les gens avec un bon comportement. Donc c'était l'explication de ce hadith-là. Jazakum Allah khair. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.